Unité 23. Conversation. Écoutez. Que feras-tu ce week-end? J'irai faire les vendanges chez mon oncle en Champagne. Iras-tu seul? Non, j'irai avec ma femme et mes enfants. Quand partirez-vous? Nous partirons vendredi soir, quand les enfants seront rentrés de l'école. La récolte sera-t-elle bonne cette année? Oui, il y aura sans doute beaucoup de raisins. Vous serez nombreux? En principe, nous serons une vingtaine. Seras-tu de retour dimanche soir? Oui, je pense que je serai de retour pour dîner. Répétez. 1. Que feras-tu ce week-end? 2. J'irai faire les vendanges chez mon oncle en Champagne. Iras-tu seul? 4. Non, j'irai avec ma femme et mes enfants. 5. Quand partirez-vous? 6. Nous partirons vendredi soir, quand les enfants seront rentrés de l'école. La récolte sera-t-elle bonne cette année? 8. Oui, il y aura sans doute beaucoup de raisins. 9. Vous serez nombreux? 10. En principe, nous serons une vingtaine. 11. Seras-tu de retour dimanche soir? 12. Oui, je pense que je serai de retour pour dîner. 13. Que feras-tu ce week-end? 14. J'irai faire les vendanges chez mon oncle en Champagne. 15. Iras-tu seul? 16. Non, j'irai avec ma femme et mes enfants. 17. Quand partirez-vous? 18. Nous partirons vendredi soir, quand les enfants seront rentrés de l'école. 19. La récolte sera-t-elle bonne cette année? 20. Oui, il y aura sans doute beaucoup de raisins. 21. Vous serez nombreux? 22. En principe, nous serons une vingtaine. 23. Seras-tu de retour dimanche soir? 24. Oui, je pense que je serai de retour pour dîner. Écoutez. Et vous, où irez-vous? Vous resterez à Paris? Non, nous avons l'intention d'aller à la campagne. Que ferez-vous? J'irai à la pêche. Et ta femme? Ma femme et mes enfants iront ramasser des champignons. Et vous mangerez vos champignons? Bien sûr. Si nous en trouvons, nous t'inviterons. Vous connaissez les coins? Oui, nous allons tous les ans au même endroit. Répétez. 25. Et vous, où irez-vous? Vous resterez à Paris? 26. Non, nous avons l'intention d'aller à la campagne. 27. Que ferez-vous? 28. J'irai à la pêche. 29. Et ta femme? 30. Ma femme et mes enfants iront ramasser des champignons. 31. Et vous mangerez vos champignons? 32. Bien sûr, si nous en trouvons, nous t'inviterons. 33. Vous connaissez les coins? 34. Oui, nous allons tous les ans au même endroit. Répétez. 35. Et vous, où irez-vous? Vous resterez à Paris? 36. Non, nous avons l'intention d'aller à la campagne. 37. Que ferez-vous? 38. J'irai à la pêche. 39. Et ta femme? 40. Ma femme et mes enfants iront ramasser des champignons. 41. Et vous mangerez vos champignons? 42. Bien sûr, si nous en trouvons, nous t'inviterons. 43. Vous connaissez les coins? 44. Oui, nous allons tous les ans au même endroit. 45. Demain, j'arriverai de bonne heure au bureau. 46. De 8h à 9h, j'aurai une réunion avec les cadres. 47. À 10h30, je recevrai les délégués syndicaux. 48. Je déjeunerai avec notre client de Bordeaux qui est de passage à Paris. 49. Dans une semaine, nous devrons livrer la commande de L'Oréal. 50. Le mois prochain, je devrai aller au salon de l'emballage à Nice. 51. Je serai à Nice pour une semaine. 52. Il faudra penser à me retenir une chambre à l'hôtel. Écoutez. Quand arriverez-vous au bureau demain? Demain, j'arriverai de bonne heure au bureau. De quelle heure à quelle heure aurez-vous une réunion avec les cadres? J'aurai une réunion avec les cadres de 8h à 9h. À quel moment recevrez-vous les délégués syndicaux? Je recevrai les délégués syndicaux à 10h30. Avec qui déjeunerez-vous? Je déjeunerai avec notre client de Bordeaux qui est de passage à Paris. Dans combien de temps devrons-nous livrer la commande de L'Oréal? Nous devrons livrer la commande de L'Oréal dans une semaine. Où devrez-vous aller le mois prochain? Le mois prochain, je devrai aller au salon de l'emballage à Nice. Vous serez à Nice pour combien de temps? Je serai à Nice pour une semaine. Faudra-t-il vous retenir une chambre à l'hôtel? Oui, il faudra penser à me retenir une chambre à l'hôtel. Répétez. 53. Quand arriverez-vous au bureau demain? 54. Demain, j'arriverai de bonne heure au bureau. 55. De quelle heure à quelle heure aurez-vous une réunion avec les cadres? 56. J'aurai une réunion avec les cadres de 8h à 9h. 57. À quel moment recevrez-vous les délégués syndicaux? 58. Je recevrai les délégués syndicaux à 10h30. 59. Avec qui déjeunerez-vous? 60. Je déjeunerai avec notre client de Bordeaux qui est de passage à Paris. 61. Dans combien de temps devrons-nous livrer la commande de L'Oréal? 62. Nous devrons livrer la commande de L'Oréal dans une semaine. 63. Où devrez-vous aller le mois prochain? 64. Le mois prochain, je devrai aller au salon de l'emballage à Nice. 65. Vous serez à Nice pour combien de temps? 66. Je serai à Nice pour une semaine. 67. Faudra-t-il vous retenir une chambre à l'hôtel? 68. Oui, il faudra penser à me retenir une chambre à l'hôtel. Répondez, répétez. 69. Quand arriverez-vous au bureau demain? 70. Demain, j'arriverai de bonne heure au bureau. 71. De quelle heure à quelle heure aurez-vous une réunion avec les cadres? 72. J'aurai une réunion avec les cadres de 8h à 9h. 73. À quel moment recevrez-vous les délégués syndicaux? 74. Je recevrai les délégués syndicaux à 10h30. 75. Avec qui déjeunerez-vous? 76. Je déjeunerai avec notre client de Bordeaux qui est de passage à Paris. 77. Dans combien de temps devrons-nous livrer la commande de L'Oréal? 78. Nous devrons livrer la commande de L'Oréal dans une semaine. 79. Où devrez-vous aller le mois prochain? 80. Le mois prochain, je devrais aller au salon de l'emballage à Nice. 81. Vous serez à Nice pour combien de temps? 82. Je serai à Nice pour une semaine. 83. Faudra-t-il vous retenir une chambre à l'hôtel? 84. Oui, il faudra penser à me retenir une chambre à l'hôtel. Écoutez. Quand tu seras à Londres, qu'auras-tu à faire? D'abord, je devrais aller au ministère de l'Industrie. Que feras-tu d'autre? Je devrais aller à la Bourse. Tu auras des journées bien occupées alors. Oui, mais quand je serai libre, j'irai voir des spectacles. Les spectacles ne manquent pas à Londres. En effet. Dès que je serai à Londres, je veux absolument aller à Covent Garden. Répétez. 85. Quand tu seras à Londres, qu'auras-tu à faire? 86. D'abord, je devrais aller au ministère de l'Industrie. 87. Que feras-tu d'autre? 88. Je devrais aller à la Bourse. 89. Tu auras des journées bien occupées alors. 90. Oui, mais quand je serai libre, j'irai voir des spectacles. 91. Les spectacles ne manquent pas à Londres. 92. En effet, dès que je serai à Londres, je veux absolument aller à Covent Garden. 93. Quand tu seras à Londres, qu'auras-tu à faire? 94. D'abord, je devrais aller au ministère de l'Industrie. 95. Que feras-tu d'autre? 96. Je devrais aller à la Bourse. 97. Tu auras des journées bien occupées alors. 98. Oui, mais quand je serai libre, j'irai voir des spectacles. 99. Les spectacles ne manquent pas à Londres. 100. En effet, dès que je serai à Londres, je veux absolument aller à Covent Garden.